L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'un des beaux résultats présentés durant la 229e réunion de l'American Astronomical Society la semaine dernière est sans doute cette image composite qui révèle deux des plus puissantes forces cosmiques à l'œuvre et vues simultanément pour la première fois. L'onde de choc associée à la fusion de deux amas de galaxies, Abel 3411 et 3412, et les champs électromagnétiques associés à un trou noir supermassif. Le scénario tel qu'il a été reconstruit par les astrophysiciens, mené par Reinout van Vieren du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, est le suivant. La collision des deux amas de galaxies situés à près de 2 milliards d'années-lumière de nous produit une émission étendue de rayons X par la collision des deux nuages de gaz chauds des amas. Parallèlement, le gaz se retrouve accéléré violemment par les puissants champs électromagnétiques du trou noir supermassif qui est situé au centre de la galaxie centrale de l'un des deux amas, en une sorte de jet à grande vitesse. Mais l'onde de choc de la collision des masses de gaz des deux amas vient ajouter une nouvelle accélération aux particules déjà accélérées dans le jet du trou noir supermassif. La résultante de ces particules accélérées, qui sont principalement des électrons, est une très forte émission radio qui peut être détectée malgré la très grande distance. Les observations que Van Vieren et ses collaborateurs ont présenté à Grapevine mercredi dernier et qu'ils publient dans Nature Astronomy, ont requis de nombreux moyens d'observation dans presque toutes les longueurs d'onde. Le télescope spatial Chandra pour les rayons X, les radiotélescopes GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope, et Karjansky VLA pour les ondes radio, et enfin Keck et Subaru pour le visible. Il faut rappeler que les émissions radio en provenance de Abel 3411 et Abel 3412 restaient un petit mystère depuis plusieurs années. La forme étendue de ces émissions radio à une aussi grande distance étant difficilement explicable. Il s'agit donc d'une remarquable combinaison d'événements produisant un formidable accélérateur de particules qui en est à l'origine. Et c'est la première fois que les deux phénomènes sont vus simultanément au sein du même système astrophysique. Grâce à cette double accélération, ces électrons font partie des particules les plus énergétiques qu'on ait jamais vues. L'article de Reinout van Vieren et ses collaborateurs s'intitule « The Case for Electron Reacceleration at Galaxy Cluster Shocks » et il est paru dans Nature Astronomy, accessible pour tous car en open access, et donc c'est le numéro 0005 en date de janvier 2017, bien sûr. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des amas de galaxies en collision se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission toujours sur PodCloud, toujours sur iTunes, et aussi sur Stitcher, et puis sur le blog. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !